Section 32 de la lecture, tome 3. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3. Section 32. La journée d'un ministre, par J.J. Weiss. Je me suis souvent demandé à quel moment de la journée un ministre en France était suffisamment désoccupé pour penser un quart d'heure, un tout petit quart d'heure seulement, à la Direction générale des affaires de l'État. Je n'ai point trouvé. Un ministre se couche à minuit quand il se couche de bonne heure. Il se lève à 7 heures quand il se lève tard. Il faut bien qu'il donne 1 heure à sa toilette et à son petit déjeuner. Ce n'est pas trop. Vous allez me dire que tout en s'épongeant et en prenant sa tasse de thé, il pourrait bien, en dedans de lui, jeter un premier regard sommaire sur la situation de l'Europe et sur les rapports des partis en France. Cette heure de la matinée est si fraîche et si féconde en pensées limpides. Malheureusement, le ministre, après son gala de la veille, festin ou réception, a dormi peu et mal. Il s'est éveillé la tête lourde. D'ailleurs, on vient de l'informer que déjà les solliciteurs le guettent dans les couloirs et vont l'appréhender quand il passera de ses appartements particuliers à son cabinet. Il n'a que ce moment rapide de la toilette et du petit déjeuner pour régler ses affaires privées, donner des ordres aux personnes de sa maison, admonester ses enfants ou leur égayer le cœur avant qu'ils ne partent pour le collège. Il est 8 heures. Le ministre est descendu. Le voilà dans son fauteuil. Son secrétaire particulier qui l'attendait lui présente la correspondance personnelle, des papiers tout intimes. Un joli lot pour débuter. Ce qu'un nouveau ministre possède d'intime est incalculable. Le lendemain du jour où il a pris, comme on dit, le pouvoir, il a trouvé d'un seul coup les amis de l'un et de l'autre sexe et les camarades de collège qu'il avait perdus tout le long de son existence. Le ministre lit les réponses préparées d'après ses indications et sur plusieurs d'entre elles, il ajoute de sa propre main une ligne, un mot, au moins un mot, car les amis de ministre sont susceptibles, les camarades de collège ont la dent dure, et plus d'un qu'il a rencontré le mois dernier lui a dit avec un air pincé « Mon cher, je t'ai écrit, tu m'as fait répondre par ton nom à gage. On ne se conduit pas de la sorte entre vieux camarades. » Une ligne autographe par-ci, une ligne autographe par-là, et voilà qu'il est 9h15. La porte s'ouvre, un ouragan se précipite. C'est le plus gros électeur rural de la circonscription qui a élu monsieur le ministre. Un éleveur et un rude. Il attendait monsieur le ministre avec les autres dans un couloir des appartements particuliers. Pendant qu'il racontait avec complaisance que le ministre était son œuvre et même son chef-d'œuvre, un orateur splendide, un bon garçon tout plein, le chef-d'œuvre, ayant de la méfiance, s'est glissé par un autre chemin vers son cabinet. Le gros rural est furieux. Il a bousculé 2 oussiers pour s'introduire, comme dans les anciennes comédies de gymnase. Il demande qu'on lave d'abord la tête au valet, et ensuite il consentira à s'expliquer. Son explication, c'est qu'il exige un billet de tribune pour sa femme et qu'il n'est pas content de son garde champêtre. Bon gré mal gré, le ministre est obligé de donner 10 minutes à ce garde champêtre et à ce billet. Il tire sa montre et il s'écrie. Déjà 9 heures, c'est le moment fastidieux réservé par lui au chef de cabinet pour les pièces à la signature. Il a tant à signer que presque toujours il signe au petit bonheur. À 10 heures, le chef de cabinet se retire. Le ministre part pour le conseil, ou bien s'il n'y a pas conseil, il travaille avec ses chefs de service. Enfin, le travail administratif et politique va commencer pour lui. Vous le croyez peut-être. Remarquez que lui et ses collègues se rendent tous à la salle du conseil sans s'être isolés 1 minute depuis leur levée pour méditer sur les sujets qui y seront traités. Ils sont énervés de leur matinée fatigante et vide. En chemin, dans son coupé, chacun d'eux a eu l'extrême bonté de lire 2 ou 3 journaux aux ennemis, où il est manipulé de main de maître, et, ce qui est encore plus agaçant pour sa sensibilité délicate, il a parcouru un journal ami, subventionné par le collègue de l'intérieur, ou le cher collègue, naturellement est célébré sur le mot de Pindari et où lui-même est passé sous silence. Il arrive au conseil, le regard trouble, le cerveau harassé, le système nerveux agité. Il y dispute plus qu'il n'y délibère, et il s'arrête moins sur les projets de résolution sérieux que sur des incidents qui sont énormes pour le ministère et indifférents pour l'État. Avec les directeurs de son ministère, la comédie est différente, mais tout aussi vaine. Le directeur n'a qu'une idée, garder pour lui les grandes décisions. Aussi prend-il soin avant tout de verser sur la tête du ministre tout un portefeuille étourdissant de difficultés inextricables et mesquines. Quand il voit l'important personnage qui barbote en plein dans ce marécage à canards, il aborde les affaires vraies sur lesquelles il y aurait profit pour un ministre à bien se renseigner. Mais justement, midi sonne. Madame fait dire à monsieur le ministre que le déjeuner est servi. Mais monsieur le ministre, observe le chef de service avec une conviction aussi amusante que bien sentie, ce dossier exigerait véritablement une demi-heure d'attention. Il presse, il a besoin d'être expédié aujourd'hui même. Expédié, expédié au mieux de la chose, crie en se sauvant le malheureux ministre, qui voudrait pour bien voir un peu sa femme et ses enfants revenus du collège. Le déjeuner en famille pourra le ragaillardir et le rendre dispo pour le bon gouvernement. Ah, bien oui, sa femme elle-même est une solliciteuse. Une chose atroce qu'on n'ait pas encore nommé receveur particulier, le cousin de son amie Mathilde. Et puis elle a des inquiétudes. Comme elle n'aurait jamais osé rêver avant les révolutions d'être seulement invitée à la préfecture dans sa ville conjugale, Nancy, Caen ou Bordeaux, elle a le bon sens de n'avoir pas encore bien compris pourquoi son mari est ministre plutôt qu'un autre. Elle passe ses journées dans l'anxiété qu'il ne le soit plus. Tout son propos de table est contre l'impatience des hommes qui leur fait perdre ou sacrifier les plus belles places. Au dessert, elle enlace éplorée de ses jolis bras en gémissant. « N'est-ce pas, mon ami, que tu ne donneras jamais ta démission ?» L'autre n'a guère besoin pourtant qu'on lui fasse penser. C'est son cauchemar de toutes les nuits. Après le déjeuner d'une heure à trois, se déroule la série des audiences pour les fonctionnaires relevant du département pour les sénateurs, les députés, les personnes envoyées par les collègues. 1000 intérêts particuliers sans aucun rapport avec l'intérêt général. Chacun de ceux qui ont le bonheur ineffable d'obtenir un tête-à-tête avec l'excellence estime qu'il n'y a que son aventure au monde. Il ne resserre pas ses récits. Il prodigue sans peine un temps qui n'est que celui du ministre et de l'État. Sur 30 personnes qui font antichambre, 10 passeront, le reste s'ajoutera à l'encombrement du lendemain et du surlendemain. Cependant, un expert arrive de la chambre. La séance est ouverte et les cendres sont houleux, vides à la chambre. Il serait peut-être temps de réfléchir un peu sur ce grand empire qui nous fait des avances ou sur ce consul général dont le personnalisme va nous mettre sur les bras une guerre importune. Monsieur le ministre est sollicité par des soins plus immédiats. Il faut s'enquérir pourquoi X, de l'extrême gauche, vient de nouer des relations avec Z, qui est amateur d'orléanisme. Il faut subir des interpellations, des objurgations saugrenues à l'envi. On allume les lampes. Les cerveaux s'échauffent. Cela devient un gribouillis infernal. Le banc du gouvernement se lève comme un seul homme, offrant fièrement ses 9 poitrines intrépides à l'assaut du galimatia. Bon moment pour s'échapper. Le ministre était hier d'un grand dîner. Il en donne un aujourd'hui. Il est 7 heures quand il s'échappe de la chambre sans attendre le vote final. Il s'habille au galop. À 7h30, il reçoit ses invités au nombre de 45, dont il y en a bien 10 sur la figure desquels il peut mettre un nom. De 7h30 à 9h, empiffrement officiel, et par ordre, les mets les plus lourds, les vins de table les plus chargés, le champagne homicide. À 9h, la réception commence. Les réceptions du soir d'Adolphe Thiers étaient sa grande force. Là, il écoutait et endoctrinait tout un chacun. Là, il préparait ses coups. Les réceptions ordinaires des ministres ne sont que pour l'apparat. Pendant une bonne heure, le ministre et sa femme se tiennent à l'entrée des salons pour recevoir et rendre des révérences comme à la sacristie le jour de leur mariage. Pendant l'autre heure, le ministre affecte de s'entretenir avec les membres du corps diplomatique. De quoi ? De rien. C'est sa gloire à ce petit bourgeois du pays de France, politique de passage et ministre par hasard, d'échanger là, sous les yeux de 100 témoins, des mines importantes et des paroles qui ne le sont pas, avec l'ambassadeur de Sa Majesté la Reine des Trois Royaumes. Ce moment le venge bien du gros électeur rural de la matinée. Quand il s'arrache à ce délice, il est 11h. Son chef de cabinet vient lui demander une dernière demi-heure pour le rapport des audiences qui lui ont été déléguées. Minuit sonne. Dans la chambre à coucher du ministre, la veilleuse brûle. Le malheureux est horriblement congestionné. Il ne s'est pas recueilli une seconde depuis 10 heures. Il n'a pas fait depuis 8 jours un tour de voiture dans l'allée des acacias. Il n'est pas sorti une fois à pied depuis un mois. Son cerveau, sans cesse excité, et sa machine physique restée inerte, ne lui promettent, après une journée sans relâche, qu'un sommeil sans repos ou une veille sans lucidité. Et cependant, qu'a été le jour si absolument occupé, implacablement rempli? Un tourbillon de fadaise. Demain, en cet état, avec les desseins profonds qu'il a pu mûrir tout à son aise, comme vous venez de le voir, durant ces 18 heures privées de loisirs, avec les sources brillantes d'informations où il a puisé, comme nous venons de l'expliquer, tout le long de la matinée, de l'après-midi et de la soirée, notre ministre décidera pour sa part dans le conseil qu'il est urgent de faire entrer 3 brigades en campagne ou bien qu'on ne saurait trop se hâter de foudroyer le roi de Prusse, président de la Confédération de l'Allemagne du Nord, en lui adressant du haut de la tribune un ultimatum public. Les suites, vous les connaissez. Quand les suites sont palpables, chacun s'écrie « Mais c'était donc des imbéciles, ces ministres !» Non, ce n'était que des ahuris. Quelle est la conclusion de ce diagnostic dont chaque détail est pris sur nature? Et où voulons-nous en venir? Nous voulons en venir à ceci. Il faut des ministres inoccupés, par conséquent sans portefeuille. Il en faut au moins un, celui qui dirigera les autres. Fin de la section 32. Lue par Salma.